l'occasion du 45e anniversaire de la publication de la déclaration conjointe du 4 juillet, les directions du Nord, du Sud et de la Diaspora de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, POMMINION, a publié le 4 juillet une résolution commune. Voici le résumé. Les trois principes pour la réunification de la patrie, indépendance, paix et grande union nationale, précisés solennellement par la déclaration conjointe du 4 juillet, est la base de la réunification nationale et le programme commun de la nation pour la réunification, car ils éclairent la position fondamentale et les moyens pour résoudre le problème de la réunification du pays par les propres forces de la nation, conformément à la volonté et aux intérêts de notre nation. Incarnation de ces trois principes. La déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre ont inspiré plus profondément aux Coréens la confiance selon laquelle le pays sera réunifié à coup sûr quand ils unissent leurs forces. Mais à cause du pouvoir conservateur sécessionniste sud-coréen qui a réduit à néant tous les accords intercoréens comme les trois principes pour la réunification nationale et fait obstacle à leur réalisation, les relations nord-sud redeviennent comme avant la publication de la déclaration commune du 4 juillet. Grâce à la résistance de masse en Corée du Sud, le pouvoir conservateur qui s'est donné au servilisme pro-américain, à la confrontation fratricide et à la politique vicieuse contre le peuple, est déchu. C'est la preuve claire que ceux qui s'opposent à l'indépendance, à la paix et à la réunification ne peuvent pas vivre sous le même ciel avec notre nation. À l'occasion du 45e anniversaire de la publication de la Déclaration commune du 4 juillet, les directions du Nord, du Sud et d'Outre-mer de la POMMINION, déterminées à défendre et à appliquer à fond les trois principes de la réunification de la patrie et les déclarations Nord-Sud pour ouvrir une phase nouvelle de l'unité nationale, se décident comme suit. Primant, la POMMINION maintiendra fermement le principe de l'indépendance consistant à privilégier et à sauvegarder fermement les intérêts de la nation dans le mouvement de réunification de la patrie. Secondo, la POMMINION déployera plus vigoureusement la lutte contre les menées de provocation de guerre des forces extérieures et de leurs satellites visant à infliger à la nation coréenne les catastrophes nucléaires et pour préserver une paix durable dans la péninsule coréenne. Tertio, la POMMINION livrera énergiquement la lutte pour réaliser la solidarité et l'unité de toutes les couches du Nord, du Sud et de la diaspora sous la bannière de la Grande Union Nationale.